Salut Zaxro, c'est Big Ben. Rétro Gamer PQ. Tester Alpha. Et Cara. Pour le podcast des Zaxro, édition spéciale de l'E3 2013. Cette semaine, aujourd'hui, on va parler de Sony et Nintendo. Mais d'abord, je vais demander comment ça va à la gang. Comment ça va? Numéro 1, je suis assez content. Je suis assez content de ce qu'on a vu aujourd'hui. Rétro, de ton côté, ben content aussi? Ah oui. Et Cara? Ouais, aussi. Est-ce que vous êtes prêts à jaser rapidement de cet événement qu'on a vécu hier soir en finissant le podcast et le Nintendo Direct? Yes! Définitivement. Alors, on va commencer à jaser. Hier, on s'est laissé en jasant de, si je me souviens bien, on avait parlé de Gran Turismo 6. On avait arrêté à Final Fantasy 10 et 10-2. On a parlé de Final Fantasy 15 aussi, si je me souviens. Mais qui est Final Fantasy 13 versus qui est devenu Final Fantasy 15. Et ouais. Après ça, ben, il y a eu d'autres nouvelles. On a eu la nouvelle comme quoi que... on a vu des images du nouveau jeu de Bungie. Vous en avez pensé quoi? Je me souviens pas avoir vu ça, moi. Moi non plus, c'est bizarre. Moi non plus. C'est le jeu qui s'appelle Destiny. Ils l'ont montré dans le... C'est un jeu qui va être disponible sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Tu sais, ils sont comme plusieurs races sur une planète qui font des combats. Mm. Puis à un moment donné, ça avait arrêté qu'il était dans un World Event parce qu'il était comme arrivé en même temps que tout le monde. Puis il y avait un gros boss à battre. Puis il fallait qu'ils le battent comme ensemble pour pouvoir réussir à le tuer. Ce jeu-là a beaucoup, beaucoup de potentiel pour les fans de Halo, mettons, là, ceux qui trippent Halo qui vont vouloir jouer sur le PlayStation 3, mais la PlayStation 4, c'est vraiment intéressant comme idée qu'ils nous ont proposé. En tout cas, moi, je trouve, là. Sinon, à part ça, ils nous ont montré des images de Elder Scrolls Online sur PlayStation 4. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben là, moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Tu sais, online, faut voir qu'est-ce que c'est, là. Mm-hmm. C'est peut-être pas nécessairement mieux de rendre tous les jeux online, là. Mm-hmm. Il y a des jeux qui sont bons single player. Pourquoi vraiment online, je sais pas. Il faut voir. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut tout qu'elle soit maudit multiplayer online. Mm-hmm. Ah ouais, moi j'étais un joueur solo personnellement, là. Fait que le fait que le jeu soit online, ça m'attire pas pour 5 cents. OK. Moi, je suis quand même intéressé parce que là, pour côté MMORPG, j'ai hâte de pouvoir jouer à d'autres choses que WoW, mettons, là. Et savoir qu'un MMO qui a de l'air sérieux, qui pourrait peut-être pas arriver. Mais je me demande si va peut-être arriver à achever de Blizzard avec leur World of Warcraft, mais bon, j'espère qu'on va trouver un moment donné le successeur de World of Warcraft, parce que là, rendu là... Ben, il est arrivé. Ben, il est pas arrivé. C'est XTCG. Ouais, c'est pas la même chose. Il est pas arrivé encore, mais ça sent bien. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. C'est Magic. J'attends ça, là, vraiment, avec grande impatience. Pour ceux qui... Peux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi ce principe de jeu-là? Oui, pour les fans qui connaissent Magic, XTCG, c'est fait par la compagnie qui a fait World of Warcraft, le trading card game. Et puis, ce que ça a de spécial, XTCG, c'est que tu as une partie PVP et une partie PVE. Donc, tu te fais un deck de cartes, un peu comme à la Magic Online. Tu te fais un deck de cartes et là, vraiment, tu décides. Il y a une partie PVP. Dans la partie PVP, c'est vraiment des tournois joueur contre joueur. Il y a de l'argent à gagner. Puis tout ça, ça se passe là, exactement comme Magic avec ton deck de cartes. Okay. Puis la partie PVE, ben là, c'est carrément un MMO. Là, tu as ton deck de cartes. T'as une guilde, tu t'en vas avec tes amis, faut que t'ailles faire des donjons, faut que t'ailles raider pour dropper des nouvelles cartes. Puis enfin bref, ça va être insane. J'avoue que j'ai pas participé au Kickstarter, ça m'a brisé un petit peu le cœur parce que bon, les moyens étaient plus ou moins là. Mais je regarde quand même ce jeu-là, vu que moi j'étais un fan de Magic. Fait que peut-être pas je vais être comme toi qui a acheté le gros kit à je me rappelle pas combien t'as payé, 250$ je pense. Moi j'ai acheté deux kits collector 250$ chaque, fait que ça fait 500, mais c'est un investissement, ça, cette histoire-là. Là. Ouais, surtout que je connais ton passé là-dessus. Ouais. J'ai été un gros joueur de cartes WoW TCG, là, fait que... Mm-hmm. Ouais. Et moi, j'ai été un gros joueur de cartes de World of Warcraft, pas World of Warcraft, mais Lord of the Ring, il y a fort longtemps. Dix ans de ça. J'ai pas connu ce jeu-là, mon... Je vais peut-être l'apprendre à un moment donné, la prochaine fois tourner chez nous. Non, mais j'en entends parler, les gens m'en parlent, puis ça avait vraiment l'air très bon comme jeu. Ouais, c'est juste la compagnie qui a comme décidé de scraper le... Ils ont scrapé la licence, simplement. Ils ont sorti des cartes qui n'avaient aucunement rapport, puis ils ont décidé, en beau milieu de leur production, « Ah, finalement, ben les anciennes cartes, ça marche plus pas en tout. » Ouais. Genre les cartes que tu as achetées il y a 2 ans. Fait que c'était comme vraiment chien. Autre nouvelle, Mad Max, le retour en jeu vidéo. On a vu une bande-annonce, vous en avez pensé quoi? On a vu une bande-annonce, tout ça. Ben oui, le gars qui... On est là, ouais, pourquoi? Tu t'en rappelles pas? C'est la même affaire, Ben. Oui. Ouais, c'est ça, ça pourrait me demander, what the fuck? Tu sais, le gars qui était à terre, qui demande au un gars qui sort de son char, tue-moi. Le gars, il check dans son double barrel gun, il fait comme, ah, rien qu'une balle. Ça me dit absolument rien, puis putain, j'ai écouté... Ah, tu parles de Sony, toi, là? Oui, c'est Sony. Ah, hein, je l'ai pas tout complet, moi, après le podcast, j'ai arrêté. Ah, OK. ouais. C'est vraiment, la bande-annonce est très violente, un petit peu comme les Mad Max, les films qu'on avait avant. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'ils vont nous ramener cette licence-là en jeu vidéo. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Mad Max, c'est une de mes séries préférées étant jeune. Dans le temps où, quand on était jeune, on écoutait des films violents, ça posait pas de problème. Et à cette heure, c'est différent. Fait que non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là, à cette heure, on embarque dans les grosses nouvelles de la PlayStation 4. Tout d'abord, le prix de la PlayStation 4, $399 canadiens. Vous en pensez quoi? Boom! Dans ta face, Microsoft! Yes! Dans ta face, mais... Ouais. 399, donc $100 de moins qu'une Xbox One. Faut s'entendre que c'est relativement dans les prix que je prévoyais qu'il y avait. $100, ça coûte $100 de plus qu'une Wii U en ce moment. Ouais. Alors, en ce moment... Mais on va pas se leurrer, là. La PS3 est quand même quelque chose de plus performant que la Wii U, là. Bon, ça reste 400$, c'est quand même beaucoup d'argent, là. Mais sincèrement, là, genre, ils sont pas mal d'un prix, là. Tu sais, je me serais pas vraiment attendu à bien moins que ça. Non, c'est sûr, ils sont pas mal. 350, là, pas moins. Là. Fait que 399 pour le jeu. Autre nouvelle qui est très très intéressante, pas de connexion obligatoire pour la PlayStation 4. Donc, pas obligé d'être connecté une fois ou 10 fois par jour sur Internet. Tu peux l'amener au chalet sans problème. Il ne te vérifiera pas tes jeux. Ce qui est une très bonne chose. Moi, c'est ce que je décriais pas mal de la Xbox One, là, surtout. Là. Moi, ouais, je suis pas... Ils ont surtout dit, là, puis ça, c'est carrément un coup de poing à Microsoft. Ils ont carrément dit, et je cite, « Vous n'aurez pas besoin de vous connecter à toutes les 24 heures à Internet. Mm-hmm. » C'est vraiment un jab, ça. Ça, c'est bam! Come on, good. Moi, c'est... Je sais pas si vous vous souvenez, moi, dans le temps, j'écoutais la lutte, puis j'imaginais tellement de faire en train de faire à Sony, en train de faire à Xbox, « Sucker! » C'est comme, viens te faire avoir. Puis l'autre nouvelle aussi, ben, les jeux d'occasion vont être possibles sur ce jeu-là. Les ouais, jeux usagés. Mais sauf qu'il y a un bémol. Lequel? Qui a été spécifié par le bonhomme de Sony, là, que c'est ça, c'est le DRM pour les jeux, c'est seulement pour leur propre jeu à eux. Où c'est que t'as vu ça? Et il l'a dit lui-même en entrevue, il l'a spécifié. Si je peux la retrouver, j'ai vu sur la IGN. En tout cas, j'ai retrouvé le lien, puis il a spécifié que c'est juste pour les jeux de first party titles, si vous avez des jeux de Sony, qui font pour la console, qui ont le DRM pour ça, mais que les autres compagnies, c'est à eux de gérer leur propre DRM. Je t'avoue qu'en ce moment, j'essaie de regarder, parce que hier, il avait l'air d'être très clairement en train de dire c'est bien... que ça a l'air ouvert, mais s'ils disent ça, oh, play. Ça change un petit peu la donne. 27 mai, non. Là, je regarde. Je vais t'en trouver le DRM policy clarified by Sony on June 11, 2013. The DRM decision is going to have to be answered by the third parties. It's not something we're going to control or dictate or mandate or implement. Là-dessus, je t'avoue que... C'est un peu turn-off. C'est vraiment turn-off. Si une compagnie qui décide d'avoir du DRM, ben... C'est ça. En ce moment, je... Ouais, je viens de le voir sur Play France. Les éditeurs pourront activer le DRM. Ah, que... Eh oui. Faudra voir s'ils vont vraiment le faire, mais bon... C'est ben, vrai que Electronic Arts vont le faire. Ça, c'est officiel. Là. Sérieux, ça vient me turning on, turning off. Turning on. Oh, c'est turning on. Turning off. Là, le bouton, la switch est à terre. Là. Je suis comme, non. Là, vous venez me mentir en pleine face. Là. Eh oui, ils peuvent le faire eux autres même, mais c'est pas Sony qui va gérer ça. C'est ça. Fait que, décevant d'abord, si c'est ça qu'ils viennent dire, là. Très très décevant. Sinon, à part ça, on va regarder pour autre nouvelle. Désolé tout le monde, j'ai dû perdre ma page parce que j'avais une page de préparer pour les nouvelles, puis je l'ai échappé. Juste un petit bémol, là, j'ai lu plus loin, il y a eu un update récent par rapport à ce qu'on vient de jaser. Ouais. Par rapport au jeu de Sony. C'est « When a gamer buys a PS4 disc, they have the right to use that copy of the game so they can trade in the game at retail, sell to another person, lend it to a friend, or keep it forever. » Pour les jeux de Sony. Ouais. C'est ça. Fait que mais ça veut rien dire, ça. Non, c'est ça. Avec c'est pour ça que t'es pas connecté sur Internet. Check pas les de toute façon. C'est sûr. Mais ça reste quand même qu'ils ont laissé un certain DRM aux compagnies. Ouais. Pour leur faire plaisir. Là-dessus, il aurait pu... Je pense qu'il y avait le gros bout du bâton hier soir. Mais bref, ça laisse le choix aux autres compagnies de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Fait que, décevant un petit peu d'abord, de mon côté, ça vient me mettre en beau tabarnak. Ben là, disons que c'est un nombre sur tout ce qu'ils ont dit, mais ça reste, écoute, moi, dans mon esprit... C'est quand même pas comparable à Microsoft, là. Mm-hmm. Mais dis-toi une chose, c'est que, étant donné que Sony, je ferai pas la gestion de ça comme Microsoft va le faire, c'est pour les autres compagnies, ça coûterait plus cher de le faire parce qu'il faudrait qu'il y ait des serveurs dédiés à ça, puis etc. C'est sûr que c'est moins d'investissement, surtout que c'est un système que je pense que les compagnies comme GameStop doivent s'acheter pour les Xbox One. Ça va faire un... Je sais qu'il y a ben des compagnies qui ont... Les petits magasins, ils ne l'achèteront pas, cette bébelle-là. Là. Quelle bébelle tu parles? Hein? La bébelle de Xbox One pour pouvoir réactiver les jeux d'occasion. Ah, ouais. S'entends-tu que c'est un système informatique plus... Ouais. Nous, je parlais des compagnies de jeux. Là. Ouais, ouais. Il faudrait qu'ils gèrent leur propre DRM, ça veut dire des serveurs, ça veut dire des personnes qui s'occupent de ça, etc. Pour la plupart des petites compagnies, c'est pas intéressant. Non, vraiment pas. Fait que du DRM, il n'y en aura pas tant que ça sur la PlayStation 4. Autre nouvelle, par exemple, pour la PlayStation 4, elle n'est pas Sony. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, c'est correct, ça. C'est qu'elle a importé, là. Ouais. Ben, c'est ça, elle n'est pas Sony. Fait que le monde qui aime importer, on pourra jouer au jeu du Japon sans problème. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est une bonne affaire. Pour ceux qui aiment importer, je pense c'est comme toi pis moi qui commence à acheter des jeux au Japon, là, c'est comme c'est cool quand même, là, je dirais. Là. Sinon, la collection Internet pour jouer en ligne, le fameux PlayStation Plus va être obligatoire à présent. Ça va coûter 5$ par mois. Bon, je pensais que tu allais dire pour jouer en ligne, ben ça va prendre Internet. T'as besoin de ça un petit peu, ouais. Pour vrai, hey, là, je suis déçu. Ah ouais. Non, Internet sans fil, ça marche, mais c'est pas... c'est pas magique. Fait que non, c'est ça. Pour ce qui est du bon, ça va coûter à peu près 5$ par mois pour un PlayStation Plus, mais vous allez avoir les mêmes ateliers. T'sais, vous allez avoir les mêmes affaires qu'ils vous donnent en ce moment sur PlayStation 3. Donc vous allez avoir des jeux gratis, vous allez avoir des opportunités de d'écouter des séries télé, des films. Ce qui est quand même intéressant. C'est un bonus, mais c'est ça. C'est ça. Reste un bonus. Je trouve c'est correct qu'ils n'aient pas mis autant d'emphase là-dessus que Microsoft l'ont fait là. Mm-hmm. Non, parce que moi, de toute façon, je joue pas en ligne. Non, je suis pas quelqu'un qui joue en ligne. Non plus. Beaucoup de misère à jouer en ligne. Je suis pas. Écoute, moi, j'achète un jeu souvent quand il sort, ça fait 6 mois qu'il est sorti. Puis lorsque j'arrive pour jouer, là, il n'y a pas un autre chat qui joue. Sinon, des petits Américains, des petits jeunes de 10-11 ans, je tripe moins. À mon avis, à moins, là. Caron, t'entends pas bien. Qu'est-ce que t'en penses en plus? Moi, sur le coût de PlayStation Plus, etc., pour jouer en ligne, puis tout ça, mm-hmm. C'est comme il y a un gars hier qui disait sur Twitter, ça me dérange pas trop qu'il y ait ce point négatif-là, parce que de toute façon, je dépense plus que ça en m'achetant de la gomme par mois. C'est vrai. Pour 5$ par mois, c'est vraiment peu comparé à ce qu'ils vous donnent en plus, là. Moi, PlayStation Plus, j'avoue que je l'utilise de temps en temps, là. Quand je vois qu'il y a un bon deal, des fois, j'en prends pour 3 mois à comme 15$, là. Puis ils te donnent comme plein de jeux par mois. Je trouve ça cool, là. Fait que là-dessus, je trouve ça. Puis pour ce qui est de la PlayStation 4 qui est dézonée, t'en penses quoi, Cara? Ben, moi, j'importe rien, là, mais... Ça te donnerait-tu le goût? Je sais pas. Bon, ça va dépendre des jeux exactement qui vont sortir par rapport à ça, parce que sinon, je vois pas vraiment l'intérêt, là. OK. Sinon, à part ça, je regarde rapidement. On a des commentaires sur YouTube. Maxime, TJS nous dit salut. Maxime Duclos nous dit, tant que ça, moi, fuck le multi. Il y a des jeux comme, t'es comme moi, là, finalement. On traite moins filti. Multi, je veux dire. On a Eric Richer qui dit donc qu'il y a plus qu'une étape dans l'échange de jeux autre que Sony. La vidéo choc prend le bord. La vidéo choc, je te dirais qu'elle a frappé sur le coup, mais là, avec ce qu'on vient d'apprendre, comme quoi qu'il laisse une certaine marge de manœuvre avec les DRM, et puis bébé là, elle choque moins. En tout cas, mon avis, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Allô? Oui? Moi, je sais pas c'est quoi, là. Oui, c'est ça, je me mets quoi, vidéo chat? Ben, je parlais par rapport à l'échange, tu sais, finalement, il y a du DRM un petit peu sur PlayStation 4. Fait que, tu sais, ta vidéo de l'échange. Ben, il y en a pas techniquement. C'est, tu laisses ta liberté à tes third parties de faire ce qu'ils veulent et gérer leur propre DRM. Mm-hmm. Il y en a pas techniquement forcé comme Microsoft fait, là. Mm-hmm. L'affaire, c'est qu'avec Microsoft, c'est que tu le veuilles ou pas, tu vas en avoir. Point. Mm-hmm. C'est bon. Je pense qu'on vient de faire le tour pour ce qui est de PlayStation 3, mais PlayStation 4, désolé. Et on va embarquer dans Nintendo. Je pense que ça va être plus emballant pour tout le monde. Oui! Quand même. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui avait hâte de voir ce que Nintendo allait proposer, parce que Sony ont quand même frappé fort hier. Reste à voir qu'est-ce que Nintendo nous ont proposé aujourd'hui. Et on va prendre le temps de jaser entre nous, voir qu'est-ce que finalement ils nous ont proposé hier, ben, je veux dire, à matin, par rapport pour ce qui est de cette nouvelle console, finalement. Ben, je veux dire, de la Wii U, les jeux qui vont sortir prochainement, c'est la Wii U. Wii U, 3DS, hein? Ouais. Moi, j'ai vu la conférence Wii U, j'ai pas vu la conférence 3DS, je dois vous avouer. Fait que je pense que tu l'as vu, toi, Sylvain. En gros, j'ai pas eu le temps de finir avant quand je suis arrivé de travailler, là, mais j'ai vu celle-là de Wii U, il parlait un petit peu de 3DS aussi. Là. Mm-hmm. Mais enfin, il a parlé aussi de 3DS à Nintendo Direct à Iwata. Un petit peu, un petit peu, je te dirais, mais pas beaucoup. Il a surtout parlé de Pokémon XY. Oui, il a commencé avec ça, Pokémon XY. On va jouer avec Kara là-dessus, vu que c'est notre spécialiste Pokémon. Pokémon! On va dire! Attrapez-les tous! Qu'est-ce que t'en as pensé de des nouvelles images qu'on a vues de Pokémon XY? Ben, c'est sûr qu'au niveau du graphisme, ça change un peu de, du style qu'on est habitué d'avoir depuis que les jeux sont sortis, là. Mm-hmm. On a droit au 3D, et etc. À part ça, il y avait un nouveau type de Pokémon, là, le Fairy. Ouais, mais oui. Il montrait Jigglypuff. C'est quoi, Jigglypuff? C'était quoi? C'était un Fairy? C'était un normal, ça, la Caster s'est rendu un Fairy, ou je sais pas trop. Puis ils ont rajouté aussi, il y en avait un autre qui était dans la deuxième batch, je pense que c'est Mouse. Mousey, c'est ça? La petite souris bleue, là? La souris bleue. Une souris bleue, tu sais, elle était dans la série en plus. Moi, j'aime ça, Big Ben nous parle des affaires, on est là. J'ai un avis à vous faire, j'ai écouté les deux premières saisons de Pokémon. Ok. Okay. D'accord. J'en ai connu, tu sais. Mais, en tout cas, pour ceux qui ont écouté la série dans le temps, il y avait une souris bleue, je ne me rappelle plus de son nom, mais je l'ai vu, elle est rendue dans les Fairy. On rajoutait aussi un élément dans le celui-là, c'est le sorte de Tamagotchi Pokémon. J'ai regardé la réaction de ma blonde quand on a vu ça, puis comme partie à rire un petit peu. Hein. Ça me faisait penser à une Nintendo. Oui, tout à fait. Ouais, tu peux le flatter, tu peux lui donner à bouffer. Maman, t'es dans pas long, on allait avoir une laisse pour le promener. Oh, excusez-moi les accros, je viens me fêter les doigts sur le bureau. Bravo. Ben voyons. Oh là là. Fait que c'est quand même intéressant. Ils ont annoncé la date de sortie qui était pour le mois d'octobre. J'ai hâte de voir les réactions des gens pour ce qui est de ce Pokémon-là. Toi, est-ce que c'est un Pokémon que tu aimerais avoir, Kara? Oui, je vais continuer avec la lignée, là. Au moins un jeu de chaque nouvelle génération, si on veut. Ok. Ton téléphone, Sylvain. Excuse. Il n'y a pas de trouble. Moi aussi, je pense que c'est un des Pokémon qui m'a redonné le goût d'y jouer. Là, je vous avoue, je suis à la recherche en ce moment d'un vieux Pokémon Game Boy ordinaire pour je sais pas trop quoi le trip. J'ai juste envie d'y jouer. Mais prochainement, ça va être dans mes buts d'aller me chercher ces deux nouveaux Pokémon. Autre nouvelle, après, ils nous ont annoncé, c'était par rapport à la Wii U, c'était c'était-tu Zelda? Super Mario 3D World. Le nouveau Super Mario. Sérieux, là? Marie pis moi, là, on a regardé le trailer ensemble pis on s'est dit, c'est un jeu de 3DS, ça. Ah non, c'était bien plus beau que ça. Moi, je savais que c'était un jeu de Wii U juste en regardant la qualité visuelle. Sauf que ça ressemble vraiment au Super Mario Land sur 3DS, là. Ouais, mais c'est ça, ça fait comme partie de la même série. Là. C'est pour ça que ça s'appelle 3D World, mais vu que c'est comme genre sa console, c'est World, puis sa portable, c'est Land. Les nouveautés qu'il nous propose dans celui-là, ben c'est que vous avez le choix de 4 personnages dans celui-là. Donc, on retrouve le roster de Super Mario World 2. Super Mario Bros. 2 sur Nintendo. Donc, on a Mario, Luigi, le Toad, puis Peach. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce roster-là. Et avec les moves de Super Mario Bros. 2 sur Nintendo. Eh oui, Peach est capable de planer grâce à sa robe. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Kara, toi? Moi, quand je l'ai vu ce jeu-là, j'ai été comme plus intéressé que si ça aurait été un autre New Super Mario quelque chose. Là, mm-hmm. Parce que j'ai bien aimé celui-là sur 3DS, le 3D Land. Fait que c'est un argument de plus peut-être pour ceux qui n'ont pas encore de Wii U à la prendre si jamais ça les intéresse. Mm-hmm. La date de sortie est pour quand celui-là? C'est pas décembre? Ils l'ont pas dit, il me semble. Ils ont dit décembre. Ça pourrait être un très bon jeu. Ah là là là là là là! Salut les accros! Hey, désolé pour ce petit problème. Google n'aime pas qu'on dise qu'il y a du DRM de Sony. C'est pour ça que ça a planté. J'imagine. Fait que ça sera pas très long, on va retrouver nos camarades Tester Alpha et Sylvain. Mais Nat est avec moi en ce moment. Hey Nat, tu pourrais faire une petite promotion en même temps de ta chaîne vu que c'est tranquille? Je pourrais te parler un petit peu de ta chaîne? Ok, que veux-tu savoir? Parle un petit peu de ta... Ben, parle-nous, qu'est-ce que tu parles sur ta chaîne YouTube? Donc, moi, déjà là, le départ... ça va bien. Mm-hmm. Au départ, ma chaîne s'appelle Cara Geekzone. Donc, normalement, je voulais parler d'un peu tout ce qu'il y avait dans le monde geek. Mais finalement, ça a un peu tourné plus à manga et anime et tout ça pour l'instant, disons. OK. Mais des fois, je fais des unboxings et des affaires comme ça. Puis il y a des jeux vidéo à travers aussi également. Mais c'est en anglais. Mm-hmm. Et donc, c'est pas mal ça. Là, je fais des reviews de chapitres de Bleach, notamment. Et à part ça, je vais faire quelques autres nouveaux types de vidéos bientôt, si tout va bien. Allô? Oui? OK. Ben, j'entendais comme du... Excuse. Testa est où? Hein? Je sais pas, j'ai envoyé l'invite, il a pas ça encore. Il faudrait qu'il aille checker son Google Plus. Je vais y envoyer le lien du channel tant qu'à ça, là. Je pense que ça va être le meilleur moyen. Mmh. On est-tu live, là? Ouais, on est live, là. Ah, OK, ben là, on va parler. Je pensais attendre testeur, vu que... Donc, qu'est-ce que vous disiez pendant que j'étais allé chercher un verre d'eau? J'ai entendu Shadix parler de... Ben, Shadix parlait de sa chaîne YouTube. Ah, OK. Spécialisée en manga surtout, mais en déballage aussi. Tout ce qui est affaires geek, finalement. Fait que... sa chaîne, c'est Cara Geekzone. Si vous tentez de la rajouter dans vos YouTube préférés. Et c'est une très bonne amie des accros. Yeah! Alpha, est-ce que t'es là? Bon! Alors, on a eu un petit problème avec Google, qui a décidé de nous fermer pour cause de DRM de PlayStation 4. Ça doit être la raison officielle. On a des misères à t'entendre encore, Tester. Comme si t'étais full loin de ton micro, ou je sais pas quoi. La bouche est à 2 cm du micro. Ben, je sais pas, peut-être que tu te sens. En toilette dans la gorge, on t'entend mieux. sinon, est-ce que vous êtes prêts? Ben oui. Ok, on y va. Ça fait comme une heure qu'on y est. Oh oui. On a vu la nouvelle par rapport au nouveau Mario Kart 8. Est-ce que vous êtes des fans de Mario Kart, vous autres? Oui. Oui. Ouais, plus ou moins, là, mais j'ai trouvé la vidéo de Mario Kart, le gameplay très intéressant, surtout avec les passes comme inversées. Mm-hmm. Puis vous en avez pensé quoi? Est-ce que ça vous donne le goût de l'acheter, celui-là? Non. Personnellement, j'ai pas vu la vidéo, fait que je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Et Cara? Ben, peut-être si un jour j'ai une Wii U. Parce qu'ils ont quand même... ben, il y a pas beaucoup de nouveautés par rapport au Mario Kart 7 sur 3DS, mais ils ont quand même mis un système anti-gravité, donc on va pouvoir être sur les murs et au plafond, et etc. Là. Que ça, il y avait pas de Mario Kart 7 encore. Non. Et mais les graphismes sont très beaux. Mm-hmm. C'est très beau, très très beau. Beaucoup d'inspiration de Mario Kart 7, évidemment. On peut aller dans l'eau, on peut être dans les airs. J'ai l'impression, à un moment donné, tu peux te ramasser que tes roues se mettent en dessus comme si c'était un aéroplane. Ça fait bizarre comme gameplay. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont donner là-dessus. Et je me demande s'ils vont peut-être nous sortir des personnages secrets parce que il y a des gens qui pensent avoir vu la piste de Sonic. Donc, je me demande, est-ce que Sonic va être présent? Ça serait intéressant. Sinon, à part ça, prochaine nouvelle. On a vu des nouvelles de... Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Bayonetta 2. Est-ce que vous avez déjà joué à le premier Bayonetta? Non, moi, j'ai jamais joué, non. Et Alpha non plus, j'imagine? Non. Alors, pour ceux qui connaissent pas Bayonetta, c'est un jeu un petit peu à la God of War ou Devil May Cry. Un action, comment dire, action survival, mettons. Puis le deuxième épisode, il va être exclusif seulement sur la Wii U. Et ils ont vraiment changé le personnage de Bayonetta. Elle est rendue plus qu'elle a les cheveux longs, mais elle a un costume spécial. C'est comme si Nintendo avait dit, regarde, son costume en cheveux, ça marche pas, pas en tout, là. Faut que tu me réinventes ça. Donc on dirait qu'ils ont tout changé pour qu'elle soit moins nue. J'ai l'impression que c'est à cause de ça. Bon, parce qu'au feu. Je sais pas, mais dans Bayonetta, plus tu faisais des combos hot, plus qu'elle avait moins de linge sur elle. Fait que okay. Je sais pas s'ils ont pensé à un nouveau système pour ça, là. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est plus PL qui est spécialiste dans Bayonetta. C'est lui qui tripe vraiment sur cette série-là. Il aurait pu critiquer. Mais probablement qu'on prend des nouvelles la semaine prochaine de lui, de ce qu'il en pense. Un peu, j'ai super entendu. Plus il faisait des moves hot, moins il avait de linge. Mm-hmm. Ouais, va voir des photos, va voir des vidéos sur YouTube. J'essaie de trouver le... C'est parce que, genre, son suit, là, c'est fait en forme de ses cheveux. Puis ouais. Plus qu'elle se bat avec ses cheveux, genre, plus qu'elle a moins de cheveux sur le corps. OK. Ouais, mais c'est un jeu japonais. T'es en train de me dire que les images que je regarde là, de Bayonetta, dans le premier, là, avec son ouais. Cuir, là, c'est des ouais. Cheveux. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est... Okay, moi, il y a un système de logique quelque part que je comprends pas. C'est une magicienne, pose pas de questions, la magie est là. Qu'elle transforme ses cheveux en cuir, c'est quoi, là? Ouais, genre. C'est étrange, là. Je sais pas comment vous l'expliquer, là, mais tu sais, c'est comme... C'est le principe qui est comme ça. Plus qu'elle se bat, plus qu'elle est capable de faire des moves up, plus qu'elle a moins de linge sur le corps, tu sais. C'est fait de même, c'est con. What the fuck? Prochaine nouvelle. T'as peu, les cosplayeuses, ils font-ils la même chose ou. Non, mais t'en as bien gros. Merde. Man, de toute façon, tu te maries dans pas long. Puis, c'est quoi, ça change ça? C'est pas ça. Je suis pas moins un homme parce que je me marie. Non, c'est sûr. Mais ta blonde va t'en garder encore plus. Bah, non, ça change pas grand-chose. On a vu des nouvelles par rapport au nouveau jeu de la gang qui ont fait Xenoblade Chronicles. Le jeu s'appelle X. Avez-vous vu cette bande-annonce-là? Oui. Je pense que oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, Tester? Pas Tester, rétro? Ben, c'est très japonais, hein? C'est oh, japonais. Ouais. C'est un JRPG, hein? Un JRPG, les... Kara, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a un bout qui me faisait penser à Final Fantasy XIII. Dans les plaines, quand il faisait comme se promener, puis il y avait des grosses créatures à côté, là. Mm-hmm. J'ai comme eu un flash, j'avais comme l'impression de voir ça avec un autre personnage, puis un petit peu plus, pas dark, là, mais... c'était, en tout cas, j'ai eu un certain flashback. Ben, je te dirais que c'était pareil dans Xenoblade. Si tu te promenais, puis à un moment donné, t'avais des grosses créatures qui se promenaient à côté de toi, j'ai l'impression qu'on utilisait le même engin que dans Xenoblade, mais ils ont juste poussé les graphismes pour être le plus haut, vu que c'est une console HD. Mais c'est très intéressant, surtout que là, ils ont rajouté des combats de robots. Non, oui, ça, c'était hot. Ça, c'est hot, des combats de robots. Ils se transforment, en plus. Mm-hmm. C'est vraiment un gros Transformers. C'est vraiment cool. Fait que, ça va sortir, je pense que c'est en 2014 qui est annoncé, ce jeu-là. Ouais. J'ai pas vu. Fait que, c'est un... Je pense que pour ceux là, qui veulent avoir Xenoblade, là, allez le louer parce que acheter, c'est trop cher. Je pense qu'il est rendu comme à 175$ la cassette, là. La cassette. Sur Wii ordinaire. Oh, la cassette? Je savais pas qu'il y avait ça sur Super Nintendo. Non, mais tu sais, je veux dire, sur Wii, là. Moi, j'ai encore l'habitude de dire qu'un jeu, c'est une cassette. Je suis comme ça. Oh là là. Ça paraît que je suis un rétro gamer. Mm-hmm. Autre nouvelle. Désolé, ça sera pas très long. On a vu quelques images du Batman sur 3DS. Il est sur Wii U. Intéressant, mais c'est encore le même Batman qu'on voyait avant. J'aimais ça qu'ils ont gardé le système dans 3DS pour que, tu sais, lorsqu'il est pressant qu'il va avoir un combat, mais t'as juste appuyé sur un piton pour comme freiner l'attaque, là. Ça, je trouvais ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Ben, c'est la série la série Arkham de Batman est très hot. Mm-hmm. Puis plus ils en font, mieux ça va être. Oh que oui. Et sinon, à part ça, je vous dirais que c'était surtout des nouvelles de jeux qu'on a su d'avance ce qu'il allait avoir. Je pense qu'on va aller vraiment à grosses nouvelles. Ok, yes. Super Smash Bros. Sur 3DS et sur Wii U. Et là-dessus, je vais y aller avec Sylvain pour nous en jaser parce que c'est lui qui m'a dit qu'il criait comme une petite fille. Ouais, mais je pense que je vais laisser le testeur le faire avant parce que je pense que c'est lui qui a mouillé ses pantalons avant moi. À cause d'un certain personnage, probablement. Oui, pas mal, oui. C'est pas mal juste ça, en fait, parce que je suis pas un... Je suis pas un énorme amateur de Smash Bros, mais quand j'ai vu Megaman, là, je... ça a été suffisant. J'ai pété une coche. mais positivement, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça être un bon ajout? Ben, certainement. Comment je pourrais ne pas penser que c'est un bon ajout? T'es, Megaman, tu peux le mettre n'importe où, je vais être heureux. Fait que, regarde, go. Sylvain, de ton côté? Ben, oui, je suis comme testeur, j'ai fait what the fuck, yes, yes, puis j'ai fait fap, puis là, j'ai eu un orgasme, mais, non, mais sérieux, là, Nintendo, visuellement, ils ont compris qu'est-ce que les fans de Megaman, ils voulaient voir. Le vieux Megaman. Le vieux Megaman, mais updaté, moderne. Mm-hmm. Puis c'est ici, là, à cette heure, là, Capcom, là, faut qu'ils vivent avec ça, là, avec ces visuels-là. Puis, il faut qu'ils se disent que là, s'ils font pas un Mega Man qui va ressembler au Mega Man qu'on a reçu là, dans Smash Brothers, là, ben, les fans vont être déçus en tabarnak. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Carotte, ton côté? Ben, moi, j'ai pas vu d'image de... Ben, en fait, ils ont comme annoncé l'entraîneur dans le jeu de Wii Fit, quelque chose de même, là. Oui, c'est j'ai pas comme... ouais. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas vu d'image, là, comme j'ai dit, mais j'étais comme... OK. Vous auriez pas un autre choix, quelque chose? Le Wii Fit Trainer, ben oui. Puis le bonhomme dans Animal Crossing, je pense que c'est... Le Villager. Le Villager, c'est comme... C'est pas violent, là. C'est même... Je vois même pas une once de violence là-dedans. quelque chose qui m'a comme déçu, je vous avouerais, de ces annonces-là. J'espère qu'ils vont nous préparer ces annonces-là pour ces deux personnages-là. J'espère qu'on va avoir un Little Mac comme joueur personnage. Non, mais je pense que la reine, par exemple, ça se peut-tu? Parce qu'il me semble que j'ai vu Megaman et les autres personnages se battre dans une arène qui ressemblait pas mal à la reine de Punch-Out. Ça se pourrait fort bien. Ça serait intéressant. Et je vais vraiment loin, là, dans celui-là. Kung Fu. Kung Fu, mais c'est pas un... Non. Thomas. Kung Fu, t'es sérieux, là? Tu veux avoir Kung Fu dans Smash Bros? Ça appartient à Nintendo. Ouais, mais Kung Fu... Quoi? Ça pourrait être... Il est pas assez populaire pour ça. C'est parce que Nintendo n'a jamais fait la promotion. Ouais, Kung Fu, il y a eu un jeu de Kung Fu. Ils ont bien sorti les personnages de Ice Clamber, ils ont juste fait un jeu avec. Ben, Ice Clamber, c'est parce que Ice Clamber, c'est populaire. Est-ce que ça patine un petit peu? Ça, oui, ça patine. Hein. Non, mais c'est Ice Clamber, là. Il y a eu quand même beaucoup de jeux d'Ice Clamber. Un? Mais non, il y en a un qui est sorti sur NEC, Famicom, l'arcade, il y en a même sur le Famicom System, le e-reader, le Game Boy Advance, la Wii, 3DS. Moi, je veux juste dire ce que j'ai vu, c'est le Wii. Ben, j'ai jamais compris pourquoi Nintendo a jamais poussé cette franchise-là. Mais ça s'appelle juste Kung Fu. C'est pas vraiment une franchise vraiment hot, là. C'est n'importe qui peut faire un jeu qui s'appelle Kung Fu. C'est vrai que c'est vanille pas mal comme nom, là. Ben oui, c'est comme baseball ou ben hockey, tu sais. C'est... Mm-hmm. Ouais. C'est sûr. Là-dessus, Kara, qu'est-ce que t'as-tu des choses à rajouter? Pas vraiment, là. Non. Rétro, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter pour la conférence Nintendo? Ben, ils ont finalement dévoilé le nom du jeu de Zelda sur 3DS. Oui, A Link to the Other Two Worlds. A Link to Two Worlds? Non, A Link Between Worlds. Between Worlds, désolé, mon erreur. Ils ont sorti le nom. Enfin, on a un nom à donner à ce jeu-là, autre que Link to the Past 2. Et on sait vraiment que c'est vraiment un sequel et non un remake. Mm-hmm. Même si la première map du monde est pareille quasiment. Là. En tout cas, les bouts que j'ai vus, ça ressemble ça pas mal. Ça ressemblait au pont qu'on voyait dans Super Nin avec toujours la même garde qui était dans le même coin. Là. Quand il sort de sa maison, c'est à la même place. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Puis d'autres choses qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est le remake de Wind Waker. Allô? Excuse, c'est comme fait comme... Pourquoi il y a silence, hein? Je pensais que Google avait planté. Non, c'est juste que... Comment dire? C'est juste que... Pour moi, c'est du réchauffé un peu. Je comme... Non, c'est pas du réchauffé. Wind Waker, c'est un des meilleurs Zelda qu'il y a eu à date. Oui, mais après, je parlais Sword. J'ai l'impression qu'ils se sont juste comme « Ah, il faut faire un jeu rapide. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un remake. » Arrête, là. Et... Il méritait un traitement HD, ce jeu-là. Là. Je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu. Non. Pour satisfaire les fans de Zelda en attendant que le vrai Zelda Wii U sorte, là, je pense que c'est l'idéal comme filler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Neutre. Neutre? Ouais. Et Kara? Moi aussi, parce que j'ai pas joué à Wind Waker de toute façon, puis je sais pas, là. Je sais pas. Je vais pas courir pour aller l'acheter non plus. Puis... Mm-hmm. Non, ben, je vais courir pour vous autres. Correct, vas-y. Ben, je pense pas que c'est l'argument de vente pour une Wii U pour moi, là. Non, mais c'est pas fait. C'est pas un jeu pour que le monde achète une Wii U, là. Non. C'est pour les fans de Zelda. Mais bon, tu sais, c'est oui, c'est le fun, je vais probablement l'acheter, mais c'est pas le jeu qui va me faire acheter une Wii U. Les jeux qui vont te faire acheter une Wii U, là, ça va être Bayonetta 2 puis Super Smash Brothers. C'est drôle. Pourquoi tu ris? Pas Bayonetta 2, pas moi. Ben non. Peut-être pas toi, mais pour les hardcore gamers qui trippent Bayonetta, ça va être quelque chose, ça. Là. Moi je dirais X. Pour moi, ça va être X. Arrête, X, c'est une niche, ça, qui joue à des jeux RPG, là. Ben, arrête. Oui, ça fait partie de ma niche à moi. Ouais, mais c'est pas ça qui va faire vendre des tonnes de Wii U, là. C'est sûr. C'est pas les jeux niche qui font ça, là. C'est les jeux là, hardcore, puis vraiment là, spécial. Là. Mm-hmm. Yeah, je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord. Ben, on va y aller avec cette question-là, Kara, selon toi. Est-ce qu'il y a des jeux là-dedans qui te feraient acheter une Wii U? Ben, il y aurait probablement le Super Mario 3D World. Mm-hmm. On n'avait pas parlé du Donkey Kong, hein? Non, j'attendais d'en parler, j'avoue. Tropical Freeze, ben, j'ai pas joué à Donkey Kong Returns, là, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéressait déjà au départ, donc peut-être. Après ça, le Smash Brothers aussi, là. À part ça, il n'y avait pas vraiment d'autres jeux que j'ai vus que... Moi, j'ai bien aimé le Yoshi Island. Ça a l'air intéressant, quand même. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est... Oui, sur 3DS. J'ai vraiment hâte d'y jouer. C'en est un que je vais probablement m'acheter, assurément. Mais c'est poche, parce que là, on n'a pas entendu parler de Yoshi Yarn. Non. Ouais. On n'a pas une nouvelle encore. Peut-être dans un prochain Nintendo Direct, là. Non, ça se peut. Autre jeu qui t'a sauté au visage, Tester? Ben non, en fait, là, moi, mon top, c'était pas mal Mario 3D puis Donkey Kong. Là. Mm-hmm. C'est pas mal les deux jeux. Ben, Mario Kart, j'ai pas vu encore de vidéo, là, faudrait que j'y aille d'ailleurs, mais c'est sûr que c'est quand même le fun de savoir qu'il y a des bons jeux qui s'en viennent à sa console. Là. Oui, c'est vrai. De mon côté, je pense que ce serait vraiment Mario 3D Land. World, excusez-moi, je suis comme. C'est juste que je suis tellement mélangé par les noms. New, Super Mario Bros, Wii U. Ah, il est long, ça, de long. Je trippe pas. Mais celui-là, X, pour moi aussi, ça en va être un qui va me faire acheter une Wii U, assurément. Puis le Zelda, probablement j'en achète. Probablement que c'est peut-être pas le premier jeu que je vais acheter, mais c'est sûr que ça va être dans ma liste Wind Waker à l'avoir pour la Wii. On va finir cet épisode spécial-là. On va donner une note. On va choisir c'est qui a gagné le E3 cette année selon vous. Je vais commencer avec Kara. Selon toi, qui a gagné? Oh, bonne question. Ben, je te dirais que Sony, peut-être, parce que j'ai bien aimé un peu comment ils ont écrasé Microsoft, d'une certaine façon. Surtout quand le monde criait tout, là, quand ils ont annoncé les affaires, genre, ça va jouer les jeux usagés, puis ces affaires-là, là. Tout mm-hmm. le contraire de ce que Microsoft disait qu'il allait faire, là. C'était pas mal épique, là. Il y a certaines parties d'Ubisoft qui étaient correctes aussi. Nintendo a quand même annoncé des affaires qu'on attendait d'une certaine façon. Là. Mm-hmm. Donc, je sais pas trop. Je dirais peut-être Sony. Sony. OK. Rétro, de ton côté? Ben, moi, juste pour Mega Man, Nintendo wins. Pour un jeu. Ouais, Nintendo wins with Mega Man. Tester? Moi, j'irai avec Sony pour un peu les mêmes raisons que Kara. Sony a juste démoli la face à Microsoft. Puis, bien que j'ai été content de voir les bons jeux de Nintendo, je crois que Nintendo, c'est quand même un peu une branche à part. T'sais, je trouve que la guerre est vraiment entre Microsoft et Sony. Nintendo est là, mais tu sais, je sais pas, de la misère à exprimer ce que je pense là-dessus, là, mais Nintendo, je le mets un peu à part. Dans une classe à part, il fait des genres de jeux différents que Sony puis Microsoft auront pas accès. Fait que dans le fond, pour moi, là, la guerre est entre Sony puis Microsoft. Fait que si je dois dire qui a gagné, ben c'est Sony all the way. Mm-hmm. Je pense votre même avis que vous autres. Je pense que Sony a présenté une meilleure présentation que tout le monde et a voulu écouter d'une certaine façon, je vous dirais, ses fans qui ont demandé bien des choses. Puis je pense que Sony l'ont plus écouté que Microsoft. Il reste à savoir, Xbox ont quand même des bonnes exclusivités. Reste à voir qu'est-ce que Sony va nous préparer quand même comme jeu. Moi, je donne. Pour le moment, je dirais que Sony a gagné. Nintendo, je suis un peu déçu de leur présentation. Je vais vous le dire pourquoi. Je m'attendais à avoir une grosse annonce par rapport à Retro Studio. Je vais faire un petit peu le porte-parole de PL. Mais Retro Studio, pour moi, c'est un studio que j'attends avec impatience parce que je sais qu'ils font des excellents jeux. Je pense à Metroid Prime, je pense au dernier Donkey Kong, c'est eux qui l'ont fait. Celui-là, c'est le nouveau qui sort, je pense que c'est pas eux autres qui s'en occupent. Mais j'aurais aimé voir un nouveau jeu de leur part et peut-être même une nouvelle licence. Quelque chose que personne ne serait attendu. Mais tout ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui, c'est tous des jeux qu'on s'attendait à voir. C'est ça que je trouve plate, de mon côté. On va aller voir rapidement le monde qui nous ont jasé sur YouTube. D'abord, merci beaucoup à Michel Junior Croteau. Merci beaucoup à Dave Plourde. Merci également. Je vais essayer d'aller voir l'autre chat qu'on avait avant parce qu'on en a perdu un. À cause qu'on a dit des mots DRM et Sony. C'est vrai, c'est ça le pire. J'essaie de dire rapidement aux gens. Je suis vraiment désolé. Je suis pas préparé cette fois-ci. Alors, on avait également Aude. On avait Maxime Duclos aussi. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Cara, comment on peut te rejoindre sur les internets? Alors, on peut y aller par ma page YouTube au Cara Geek Zone. C'est le même nom sur Twitter. Et je suis également sur le forum d'Accro des Jeux sous un pseudo différent. C'est Shadix. Donc, vous pouvez me contacter là aussi. Rétro Gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Par le site d'accrodesjeux.com, surtout, principalement. Mais aussi sur RetroGamerPQ.net. Génial, merci beaucoup. Et Tester, de ton côté, comment on peut te rejoindre sur les internets? C'est assez facile. Vous tapez Tester Alpha soit dans Facebook, Twitter, YouTube. Ça peut même marcher dans Google parce que maintenant, on a notre site internet www.testeralpha.com. On a un forum, donc si vous voulez venir discuter avec l'équipe Tester Alpha, vous êtes les bienvenus. Mais évidemment, je reste toujours très attaché au site Les Accros des Jeux. Donc, c'est parfait si vous voulez me contacter. Ça marche très bien par Accros des Jeux. De mon côté, si vous voulez me contacter, il y a plusieurs façons. Vous pouvez utiliser le Twitter des Accros des Jeux à commercial Accros des Jeux. Vous pouvez également m'envoyer un message via le courriel des Accros des Jeux qui est accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Vous pouvez également m'envoyer un message via YouTube sur youtube.com/accrosdesjeux. Abonnez-vous à la chaîne Accros des Jeux. Et vous pouvez également liker la page des Accros des Jeux sur Facebook. On est rendu à 245 personnes à 250 personnes ont déjà fait tirer une copie de Alan Wake et son extension sur Steam. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une copie, vous allez peut-être avoir une chance. D'ici là, c'était le Big Ben. Retro Gamer PQ. Tester Alpha. Et Cara. Pour le podcast des accros spécial E3 2013. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye. Salut.